Bon, ben, pour faire suite à la dernière conférence, numéro 166, le statut universel, Claude m'a demandé de vous parler du conflit, du combat de l'être humain par rapport à l'affaire de la reconnaissance de sa source versus ses vies matérielles, donc la conscience de l'âme, qui est ce qui est le plus accessible pour nous autres, là. Et puis, ben, 167, je vais nommer ça la double habitation. Dans le sens qu'on est habité par l'âme, puis on a l'esprit qui habite le corps, l'ego, mais qui a fighté avec tout le jeu d'influence de l'astral, donc des entités. Puis, je vais commencer par vous expliquer un petit peu, pour avoir fait des exercices avec du monde, de ce que je considère être de l'astral versus qu'est-ce qui est de l'esprit. Mais je vais commencer par vous expliquer. J'en ai déjà parlé sur mes consultants, mais je vais en reparler encore. Parce que là, ça tombe sur un CD, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui a été enregistré dans le passé. Pour moi, là, l'expérience que j'ai connue du monde astral, c'est une expérience d'état. Et non pas de bibitte ou de petit bonhomme ou de quoi que ce soit. L'astral se cache à travers de l'image, se cache à travers des impressions. Mais la réalité, c'est que l'astral, c'est des états. Que je parle avec des gens qui sont habités par des entités, ça revient tout le temps que d'une personne à l'autre, c'est exemple, je vais vous donner un exemple, si l'entité vous fait vivre de la pauvreté, de la jalousie, de la rage, du sentiment de petitesse, de la comparaison. Ça peut prendre différentes images, différentes présentations, mais c'est toujours l'état qui reste commun. Tu sais, que tu aies un exemple, une entité qui va s'exprimer à travers une personne, puis qui va dire je me sens limité, je me sens diminué, je me sens pauvre. C'est toujours je me sens. Mais c'est pas une image que la personne te fait apparaître. Elle va dire j'ai eu de mon grand-père un sentiment de pauvreté. OK? Bon. C'est pas le personnage qui est pauvre, c'est pas une influence de quelqu'un qui fait que tu te sens pauvre. C'est le fait que t'es perméable à un état de pauvreté. OK? C'est pas la personne, c'est pas une personne, c'est pas un individu qui a une influence sur vous autres. C'est sa limite, la limitation du personnage qui dégage un état. Moi, j'ai été un prof pour du monde, j'ai été un instructeur pour du monde, j'ai été une influence sur du monde, mais c'est pas important que, mettons que je serais mort demain matin, ce serait pas important l'image que j'ai, que tu aies ma photo dans ta chambre. Ça changera pas ta vie, mais les perceptions d'État, eux autres, ont de l'importance. OK? Si, à mon contact, ça t'a fait te redresser la colonne puis te dire, hey, tu m'as fait face à la musique. Si, tu m'as vu en colère puis que ça devient comme un modèle de combat. Moi, quand Bernard était malade, puis je le voyais se battre, là, à être en conférence, puis pas se plaindre, c'est que ça a marqué ma vie bien plus que c'est pas nous autres qui pensent. Tu sais? Pas nous autres qui pensent, c'est une théorie, mais le vivre avec, c'est pas moi qui pense. Oh, là, l'action a marqué ma personne. Je sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que je vous dis, vos idées dans la vie, là, ça vaut rien. Ça vaut vraiment rien. Vos notions de vérité. Tu sais, quelqu'un va dire, gars, moi je te dis ça, là, puis c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais tu t'intéresses-tu à l'autre quand tu y parles de c'est vrai? Ou tu veux juste être vrai, puis toi, tu cul, là, tu sais rien. C'est ça ton problème. Fait que si t'es pas capable de t'occuper de l'autre dans ton c'est vrai, tu vois rien. Tu vois absolument rien. Mais là, qu'est-ce que tu vas y communiquer comme accompagnement dans sa démarche de vérité, là, ça a de l'impact. Éduquer un enfant, c'est pas y énoncer des vérités, c'est d'accompagner dans ce qui est réel dans la vie. C'est ça. C'est ça, éduquer un individu. C'est de l'accompagner dans la réalité. Plutôt que d'y vendre des salades, des promesses à n'en plus finir. Je déteste les religions à cause que c'est une grosse promesse. On te demande de croire. La science, on ne te demande pas de croire. On dit, gars, on a vérifié ça. Passe-moi la religion à tout ce qui est scientifique. On va mettre tes religions en terre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, un gars, il dit, ah, moi, je comprends une femme. Accompagne-la, la femme. Aide-la à évoluer. Fais-y ressortir son combat, sa capacité d'être en autorité. Accompagne-la dans son autorité. Elle refuse pas son autorité. Là, tu vas aider une femme. Là, tu vas vivre avec une femme. Tu sais, un homme a une limite à être capable de prendre en charge, au même titre qu'une femme a une limite à absorber de l'autorité mâle. Bon, ben, tu sais, partez du principe des états, puis vous allez comprendre la vie d'une autre façon. Si vous partez tout le temps à partir d'une perception animale, vous allez avoir des lectures des événements, mais ça ne veut pas dire que vous avez une bonne interprétation des événements. Donc, un être humain, c'est habité par sa... On va dire... par un esprit qui explique tout, puis il est habité par des états d'âme qui créent de la confusion ou de la polarité dans tout. À la base, l'âme ne sait rien. Elle expérimente, elle explore, elle sent. C'est tout du senti, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit un homme ou une femme, la perception âme est toujours une perception d'état. Un état mâle, un état femelle, c'est toujours des états. Donc, une entité mâle ou une entité femelle, ça va avoir différents états, mais ça va toujours être une lecture d'état. D'état d'âme. Bien important de comprendre ça. Un esprit, c'est toujours une vibration, ce qui est très différent d'un état, parce que c'est pas émotionnel. L'âme est toujours émotionnelle et l'esprit est toujours mental, tout le temps. Donc, une personne qui essaie de dégrader le mental, c'est des gens d'âme et donc c'est des imbéciles parce qu'ils sont parfaitement polarisés. Étant parfaitement polarisés, ils sont parfaitement confus. C'est des bébites à confusion. Ils génèrent la confusion, ils transportent des entités d'âme, des êtres qui font de l'imagerie dans le mental, et ils se positionnent toujours dans un stage de destruction de leur environnement par le biais de la confusion. Ils désinforment. Une personne qui est dans l'âme désinforme, une personne qui est dans le mental informe. Et qu'est-ce que vous pouvez savoir que la personne informe? Elle est un exemple. Tandis que l'âme essaie d'être un exemple. Mais elle te demande tout le temps l'approbation. Elle va te parler, elle va tout le temps te dire, hein, t'es d'accord, là? T'es d'accord? Un individu qui est dans son esprit, il ne demande pas si t'es d'accord. Il sait, point. Il y a une autorité par le fait de sa certitude. La double habitation, c'est pas compliqué. C'est que tu doutes. Quand c'est ton esprit qui se manifeste, il y a zéro doute. Donc, tu ne peux pas être habité par l'astral. Facile à comprendre, hein? Tu doutes, il y a de l'âme, il y a des états. Tu es dans un état. Un état de compassion, un état... Tu es en amour, tu es dans un état. Tu vois plus clair. Moi, j'aime mes chats, là. Je peux être nounou, là. C'est facile d'être nounou avec des chats, là. Un chat, c'est... Je te demande pas, je peux-tu m'en aller, tu sais. Si t'en vas pas, il va toujours vouloir te garder, il va toujours vouloir manger. Il y a rien dans un chat qui peut décider à la place de ton esprit, voyons là. Donc, c'est bien évident qu'un animal, c'est bon pour l'âme. N'importe quoi qui peut être agressant dans la vie, ça va s'attaquer à l'âme tout le temps. L'esprit va te dire, va pas là. Tu iras pas, donc tu seras pas exposé à un risque. Time de même. Ou si tu es exposé à un risque, c'est parce que tu as besoin d'une expérience d'âme pour te mettre en garde. Ils vont te faire attraper le rhume pour que tu t'habilles plus. Ils vont laisser l'âme te faire vivre un test. C'est pas l'esprit qui veut que tu passes un test. C'est ton âme qui est pas assez expérimentée pour éviter le test. Double habitation, tout le monde passe par une double habitation. Bernard, il était bien conscient, oui, c'est vrai, mais il était doublement habité à certaines occasions, parce qu'il est venu au monde dans un corps, puis le corps a un besoin d'une expérience donnée. Comprenez-vous? On va vous donner un exemple. On vous met un gun dans les mains. Avec un gun, si t'es très, très dans l'âme, ça va te passer souvent dans la tête de tuer. Souvent, souvent, souvent. Si t'as pas d'esprit, tu vas finir par faire l'acte. Si t'as de l'esprit, ça va dire, hey, attention, il y a des conséquences, il y a ci, il y a ça. Puis tu vas avoir une retenue. Si t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprit, tu vas te servir de ça, comme moi je le fais avec vous autres, pour vous faire expulser de la colère. Mais ça va rester à expulser de la colère. Ça ne sera plus vouloir être gagnant, tirer mieux que les autres. Ça n'existera pas, ça. Ça va juste être développer ma concentration, développer une capacité de contenance de l'effet de surprise, parce qu'il y a des calibres. Tu vas tirer de la 22, puis tu vas tirer du 30-06. Je vais te dire une chose, ça n'a pas le même impact sur le corps, ça, là. Ça n'a pas le même impact au niveau de la perception auditive, ces choses-là. Fait que tu peux développer une contenance devant l'imprévu, tu peux développer une contenance par la précision, ces choses-là, mais ça va rester mental. Tombe dans l'âme. Dans l'âme, le plus proche, c'est vouloir être meilleur que l'autre. Puis après ça, ça dégrade jusqu'à vouloir dominer avec l'âme, jusqu'à vouloir tuer avec l'âme. Là, tu es sur le terrain de la police et de la mafia. La police, il y a une volonté de destruction préventive, mais c'est quand même une volonté de destruction. Vous comprenez? C'est plutonien. En astrologie, on appelle ça l'effet de Pluton. Mais Pluton, ça gère la police et la mafia. Le pouvoir de tuer. Ça, c'est les effets de Pluton. Fait que l'évolution d'un individu, c'est une évolution qui se fait par le mental parce qu'il t'apprend à développer une contenance et à expulser des états. Mais ça demande pas de comprendre, ça demande de le vivre. Tu peux pas, par la compréhension, intégrer, oublier ça. L'intégration, c'est par le vécu. Tu vis, t'intègres. Tu comprends, t'as un chemin, mais c'est comme une carte du ciel. Tu vas lire une carte du ciel et un enfant naissant, il n'a pas vécu sa vie encore. Tu fais juste voir son plan de vie. Ben, quand vous comprenez, vous avez un plan, mais vous n'avez pas le vécu. Tu sais, je pourrais vous donner des cours en finance, je pourrais vous donner des cours en astrologie, mais ça ne fera pas de vous autres des astrologues parce que c'est plein cours. On prend des études en médecine. Vous êtes médecin quand vous pratiquez, mais vous n'êtes pas médecin parce qu'on vous a donné le titre de médecin. Vous avez juste un outil pour faire de la médecine. Pas pareil. T'es pas riche parce que t'es médecin. T'es riche parce que t'as des patients qui t'évaluent comme étant un bon médecin. T'es un bon avocat. C'est ta clientèle qui fait de toi un bon avocat. C'est pas ton cours qui te donne le fait d'être un bon avocat. Donc, c'est le vécu de ce que vous comprenez qui vous fait, on va vous dire, fait vivre de la certitude et une forme quelconque d'autorité. Mais si je regarde des gens qui vont répéter quelque chose, prendre des cours, dans le fond, c'est répéter ce que quelqu'un sait. Hein? Moi, j'avais des professeurs en marketing, c'était des gars qui avaient des compagnies de publicité. Celui qui faisait Yoplait, là, la compagnie qui avait fait la promotion d'Yoplait, puis la patente, c'était un de mes profs, ça, là. Puis il dit, je peux vous expliquer comment faire de publicité, mais c'est à faire de publicité, puis par la réaction du public, que vous savez si vous êtes un bon publiciste ou pas. Mais que vous répétiez ce que je vous dis, ça fait pas de vous autres des publicistes. C'est ça qui est important de comprendre. Il y a des choses qui... C'est des vibrations que vous absorbez qui fait de vous autres une autorité. Mais vous pouvez pas avoir l'autorité sur de la compréhension. Ça, c'est le monde astral. Le monde astral, c'est du paraître. Le monde mental, c'est un mode de, info agit, tout le temps. Quand quelqu'un n'est pas capable d'agir sur l'information qu'il y a dans le mental, c'est parce qu'il est astralisé. Tu es doublement habité dans ce sens-là. Quand tu es doublement habité, c'est parce que tu as une insécurité à passer à l'action sur l'information qui t'est donnée. Moi, je suis en cours chez nous, puis je dis, bon, ben là, je peux y aller, là. J'aurais pas de problème, là, je glisserai pas dans le chemin, puis papa. Il me dit, OK, tu peux y aller. Bon, ben, OK, tu peux y aller, ça va passer. Tandis que pour une autre personne, c'est une expérience de peut-être que ça marchera pas, puis peut-être que ça va marcher. Puis là, si ça marche, je vais dire, wow! Mais ça veut dire que t'écoutes pas, si. Puis t'as juste pris une chance. Et si t'as pris une chance, t'es encore astralisé. Donc, t'es pas en sécurité. Les forces te protègent pas. Mais les forces, ils te protègent quand tu te protèges. Donc, quand t'es les forces, Il n'y a pas de trouble. Mais si tu n'es pas les forces, tu vas toujours penser que c'est les forces qui te protègent. Mais quand tu penses que les forces ne te protègent pas parce que tu te fais stériliser. Fait que là, j'ai moins les forces. Les forces, c'est où c'est vous autres, où vous êtes dans la merde. Parce que là, vous pensez, l'astral vous fait penser que les forces vous influencent. C'est des pures entités. C'est des entités spirituelles qui vous ramènent le mental avec des vérités. Là, vous tombez dans l'impression de la vérité. Puis dans la vérité, vous comprenez, mais vous n'êtes pas encore dans l'assise de votre être. Vous n'êtes pas encore « c'est ça ». Moi, quand je parle « c'est ça », quelqu'un pourrait dire « oui, mais tu parles, puis tu te choques, puis reste dans ta bouillie, là. Moi, je parle à du monde, je parle pas pour m'écouter parler. » Il y a plein de monde que ça s'écoute parler, puis ils pensent qu'ils sont dans l'autorité de la parole. L'autorité de la parole, ça fait changer les autres. Tandis que quand tu es dans l'impression de « tu parles », ça change absolument rien de ton environnement. Tu n'as aucune astuce d'autorité dans quoi que ce soit. Donc, tu veux avoir de l'importance, tu veux avoir de l'impact, arrange-toi pour être réel. Maintenant, il appliquait bien gros sur l'affaire d'être réel. Puis être réel, là, c'est pas évident. C'est pas demain matin que tu es réel. Tu es réel parce que tu es réel. Tu n'es pas réel parce que tu te penses réel. Tu n'es pas réel parce que tu as une vérité et que le monde te croit. Tu sais... Non, il était tellement réel qu'il s'appelait Raël. Puis, où le monde le suivait? Ben le cul. Parce que lui, c'était freedom for everyone, tu sais. Du cul. Il pensait qu'il était réel parce qu'il avait vu des extraterrestres, ça fait même. Même si t'en aurais vu, c'était pas capable de les présenter à tes amis. Tu partages pas, man. Moi, le jour où on vous dit que j'ai rencontré un extraterrestre, on vous dit qu'il s'en vient. Puis viens de faire une conférence. Bon, vous parlez des extraterrestres, quand je vois qu'il est capable d'en faire entrer un dans une salle. Avant ça, là, oubliez ça, ces extraterrestres. Pas bon, des théories. Ouais, je trouve ça intéressant. C'est comme aller voir un film. Parler d'extraterrestres, va voir un film, c'est la même chose. C'est un beau concept. C'est une belle idée. C'est intéressant. Tu vivras pas ta vie à travers le film que tu as vécu, là, oublie ça. Ça, c'est doublement habité. Vous êtes doublement habité. Vous avez une lecture à partir des forces de ce qui est possible. C'est tangible, l'autorité. C'est tangible, la réalité. Ça fait autorité de la réalité. Mais du flyage, là, ça fait pas d'autorité en rien. C'est juste du capotage là, pour avoir l'air d'une bande dessinée. Il n'y a rien là, plus que ça. Moi, je fais la guerre là, au capotage là, cette année. J'ai fait la petite guerre. Hein. Vous attaquez à l'astral, là, vous allez vous faire payer à la tête. L'évolution d'une personne, ça passe inévitablement par l'exploration. J'ai pas rien contre l'âme. C'est nécessaire, tu sais. Un enfant, faut qu'il goûte à des choses, faut qu'il s'impressionne. Il y avait quelqu'un qui expliquait qu'est-ce que c'était l'évolution d'un individu, que prendre du pot à 12 ans, ça a plus de conséquences négatives que de le prendre à 30 ans. Pourquoi? Parce que le cerveau a été développé à 30 ans. Puis prendre du pot à 30 ans, tu commences à 30 ans, puis tu commences à 12 ans, c'est pas la même game. C'est complètement différent parce que ça n'a pas des réactions chimiques, corporelles qui sont similaires. Fait que, tu sais, les gens peuvent dire, « Ah, avec le pot, tu vis ça, blablabla. » Ouais, mais si tu as commencé à le prendre à 12 ans, c'est pas pareil. Tu fais l'amour à 12 ans, tu fais l'amour à 16 ans, tu fais l'amour à 25 ans, c'est pas pareil. Il y a pas les réactions corporelles sont pas les mêmes. Donc, t'as pas la même lecture de l'événement sexuel. Pourquoi? Parce que c'est physique. Donc, il y a des gens qui se sont fait vivre des affaires dans leur jeunesse parce qu'ils étaient entourés de gens spirituels qui les ont maganés. Réellement maganés, là. Magané, magane. C'est des mots inventés, là. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que si t'es perturbé quand t'as 7 ans, 8 ans, puis que l'autre, lui, à 7 ans, 8 ans, il n'y a pas eu de perturbation, tu ne penseras pas pareil. Tu ne vibres pas pareil. Ton corps va être pas... Ça ne sera pas le même récepteur. Il n'y aura pas la même capacité de capter ou il va avoir une faculté. Tu sais, toutes les gens... Moi, j'avais fait un moment donné, parce que je m'intéressais à la médiumnité, j'étais médium moi-même, puis il disait, tous les médiums, c'est des gens qui ont vécu un effet d'électrocutation, ils ont été électrocutés, avec de l'électricité, entre 8 ans puis 12 ans. Puis moi, j'ai vécu ça, une expérience d'électrocutation entre 8 ans puis 12 ans. Puis effectivement, j'étais médium à cause de ça. Mes corps étaient comme déstabilisés. Donc, je captais facile. Bon, est-ce que c'est un critère pour rendre quelqu'un médium? On pourrait dire oui, c'est possible. Si un scientifique se met à étudier qu'est-ce que ça fait d'un enfant qui est soumis à des chocs électriques, des affaires de même, ou qui est bien électrique de par la nature physiologique de ses parents, l'agressivité, la colère, tout le kit, s'est exposé à beaucoup d'éléments comme ça, il peut être déjanté, là. Ça va être, comme on dit, pogné en deux plans, et puis il peut développer des facultés médiumniques. Oui, mais attention, quand tu es médium, ce que tu annonces, il faut que ça se réalise. Moi, quand j'ai commencé à 17-18 ans à faire ça, quand j'annonçais quelque chose à quelqu'un, puis je te disais dans 3 semaines, pop-up, 3 semaines après, ça se passait. T'es pas médium parce que tu parles bien. Donc, il faut que ça soit réel. Fait que si t'as un déphasage psychologique ou un déphasage ci ou n'importe quoi, puis que ça a des conséquences physiques, ben c'est sûr que ta conséquence physique, il va y avoir quelque chose de physique qui va se passer parce que tu es physiquement déjanté. Vous me suivez? Donc, l'évolution d'un individu, ça se passe dans des processus qui sont scientifiquement contrôlables. Donc, vous êtes capable, pas contrôlable dans le sens d'avoir le contrôle sur la mutation, mais c'est que ça s'explique, la mutation. N'importe quoi que vous avez dans votre vie, ça s'explique. Puis généralement, toute votre vie s'explique dans les 12 premières années. Un cycle jupitérien complet, c'est suffisant pour analyser une vie. Fait que, tu sais, je disais à ma sœur, il y a 2-3 jours, j'ai dit, ton problème de poids, les forces me disent que ça a commencé à 14 ans. Puis effectivement, 14 ans, elle pesait 147. C'est pesant pour une petite fille, ça. Puis ma mère, par souci d'élégance, puis le kit, elle voulait qu'elle fasse du ballet. Mais tu sais, ballet, 147 livres à 14 ans, c'est pas évident, là. Fait que il y a un choc de perception de soi-même dans le fait d'être à la puberté. C'est pas l'adolescence. L'adolescence, c'est à partir de 15 ans. La puberté, c'est de 12 à 13. 12-13, c'est la puberté. Mais ce qui se vit dans ta sexualité en 12-13 ans, la découverte de ta sexualité, ton corps, le kit, ça a des incidences dans ton adolescence, puis tout le kit. C'est des périodes très, très importantes de la vie d'un être humain. Puis le mouvement de Jupiter, de Saturne, c'est la clé de votre base de vie au niveau de l'âme. Puis votre âme, n'oubliez pas, là, c'est votre char. Si on te bosse ton char en sortant du garage, tu auras une bosse toute ta vie, là. Fait que qui va demander réparation, puis ta réparation, elle va se faire quand tu auras les moyens de la réparer. Donc, c'est bien évident que la double habitation, c'est pas une maladie, c'est pas une plaie, c'est une garantie que vous allez le vivre, mais c'est une garantie que votre mental peut corriger les conséquences de la double habitation. Donc, que vous ayez de l'âme, c'est pas un trouble, mais que vous soyez pas conscient du comment corriger les conséquences de l'âme. Moi, je suis né dans une famille où c'est très agressif. C'est des natures très agressives. Puis ça, je disais à Claude, il dit, Claude, t'es chanceux de pouvoir marier ma sœur parce que t'aurais été bossé. Puis là, ben, tu sais, quand quelqu'un d'intelligent, tu dis, t'es mieux avec elle. Bernard, quand t'as dit c'est Hélène, il y a Sty qui avait raison. Pas dit à quel point. Pourquoi? Parce que t'évites une expérience traumatisante. Éviter une expérience traumatisante, c'est un pan de vie complet de 20 ans, 30 ans, auquel tu échappes à des expériences de vie qui sont traumatisantes, avec des événements traumatisants. Donc, est-ce que s'expliquer sa vie, ça règle quelque chose? Dans la mesure que tu peux le corriger, oui. Dans la mesure que tu peux pas le corriger, c'est encore plus traumatisant de savoir que tu peux pas être comme ci ou comme ça parce que tu as été bloqué là. Puis tu peux plus le débloquer ou tu peux pas le débloquer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'il y a une intervention des forces, donc de l'esprit, donc de ton être intérieur, qui t'empêche de vivre des choses, puis dans lequel il peut pas t'empêcher de vivre des choses. Dépendant de qu'est-ce qui est le sens de ton incarnation. Vous êtes incarné, vous avez, comme on dit, une expérience à vivre, puis même si l'esprit vous accompagne, Ça ne veut pas dire que l'esprit qui vous accompagne va empêcher des choses de se passer, étant donné que dans l'incarnation, il y a certaines épreuves qui doivent être vécues, puis qui ne sont pas nécessairement réglées dans une seule vie. Tu sais, si je dis à quelqu'un, écoute, corrige ça, là, parce que c'est un problème, ça peut être mon esprit qui te parle, mais ça se peut que tu ne sois pas capable de le vivre. Tu ne sois pas capable de le corriger. Parce que dans ton plan de vie, il faut que tu passes par le test, puis il faut que le test il soit vécu sur une base de 30 ans. Je me souviens quand je disais à Jeannette, c'est bien important que tu n'aies pas de conflit avec l'argent. C'est un conflit avec l'argent que tu vas être pauvre toute ta vie. Bon, ça, c'est l'esprit qui parle. Mais si ta personne au niveau de l'âme n'est plus dans un esprit de bain de spiritualité à n'en plus finir, ça va y prendre du temps, là. Ça ne se fera pas en dedans de 6 mois. Là. Ça peut prendre 4, 5, 10, 15 ans à subir le test de la pauvreté. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que là, pour être pauvre, il faut que tu aies un handicap. Tu aies un handicap en quelque part. Moi, je l'ai vu, la situation de pauvreté, mais je la comprends très bien. Donc, je suis capable de mentalement la corriger. Mais être capable mentalement de la corriger, je sais que ça demande comme ressource. Tu peux pas être riche sans faire l'effort de quelque chose. Moi, sachant que c'est tout se règle par vibration, ben si je fais de la bourse, je corrige la vibration de la pauvreté. Mais si quelqu'un comme lui attend d'avoir du cash pour faire de la bourse, il va rester pauvre toute sa vie ou il saura pas développer la discipline qu'il faut. Fait qu'il faut que tu commences à vibrer quelque chose. Puis à un moment donné, ben, tu te fais la vibration, puis à un moment donné, la vibration s'installe. Je connais des gens qui ont des ressources, puis ils peuvent pas faire de la bourse comme quelqu'un qui travaille la vibration. Moi, je vibre bien plus la bourse que n'importe quel millionnaire qui pense qu'il est capable de faire de l'argent à la bourse. Mais il va peut-être en faire, mais il va faire du 10-15%, puis il va penser qu'il est bien bon. Tandis que moi, je fais du 10-15% par semaine. Écoute, ben, tu pites, là. Hein? Il y a quelque chose que j'ai compris que t'as pas compris. Il y a quelque chose que je fais que t'as pas compris. Puis il y a quelque chose que les forces me supportent parce que je le comprends vibratoirement. Faut regarder ça. Vous êtes des gens qui cherchent à être sur le contact. Mais savez-vous qu'être sur le contact, c'est bénéficier du contact, de faire quelque chose avec. Puis c'est de vous faire driver aussi par le contact. C'est pas de comprendre avec le contact. Comprendre, t'as rien à cirer, tout ça. Si t'es pas capable, écoute bien, là. On vous rendre ça simple. Si vous comprenez à partir de votre source, puis vous êtes pas capable de communiquer à un autre, vous n'êtes pas sur le contact. Moi, si je te parle sur le contact, je suis supposé être capable de transférer la vibration, peut-être pas la compréhension, mais je suis supposé être capable de te passer la vibration. Parce que moi, tu as passé encore liste de jeu. Parce qu'il va y avoir l'autorité, il va y avoir une vibration, puis il va surtout avoir un impact dans l'événement. L'événement va vous placer devant la situation. Ben, c'est juste la petite théorie, là. Moi, je sais ça, puis toi, tu devrais savoir ça, puis t'es beau, ça, là. Il n'y a rien, là. On me parlait d'une amie qui était venue, elle était tout le temps là, la fille. Je veux pas te déranger, je veux pas te déranger. Moi, tu me l'aurais dit 3 fois, je t'aurais dit, si tu veux pas te déranger, crisse ton cœur. Là, tu me dérangeras pas, tu seras pas là, calice. Puis tout, là, all dress, là. Débarrasse, calice. Et tu me l'as dit une deuxième fois, ben là, je pensais pas que je te dérangeais. Ben, tu m'as dérangé depuis que tu m'as téléphoné, Carlis. Ah, oh, ben, dis, là, tu veux plus me voir à vie? C'est ça, tu as tout compris. La vérité sort de la bouche des enfants. Pourtant, t'avais-tu pensé à ça en te levant le matin? Non. Et à t'écouter parler, là, je vois bien que tu ne fites pas dans ma vie. Point final. Oui, bonne, t'as une balance. Moi, je vais te prendre toute la fin de semaine. Restons chez nous. Reste chez nous, là, puis je te cherche pas de loyer. Tu sais, tu balances, Colus. Oui, donc, on balance. C'est ça de l'âme. Je comprends que tu m'écœures, là, mais. Viens-t'en. On va s'aimer. M'ennuie. Tu fais rien. Attends-le. Puis là, tendu, puis tendu, puis tendu. Il y a vraiment de colère qui sort de ça. L'évolution, c'est une action. La compréhension, c'est une somme d'informations qui vous crée une cohérence. J'ai rien contre comprendre. J'ai compris beaucoup dans ma vie pour après ça en arriver à vibrer, puis à comprendre qu'il y avait une différence entre comprendre puis vibrer. Fait que je peux pas reprocher à un individu qui est dans l'art d'être, de vivre une double habitation, parce que la double habitation, elle demande de l'exploration, elle demande de l'expérience. Puis ce qui a été pour moi la sécurité, c'est de savoir que l'autre partie qui vibrait pouvait infirmer ou confirmer ce que je comprenais. Il y a des choses que je comprenais, mais que je n'étais pas capable de faire. Puis là, ma double habitation, donc mon esprit me disait, t'as pas à le faire, mais que tu le comprennes, c'est valable. Donc, comprendre, c'était correct, parce que ça me permettait d'avoir de la conversation, puis de... Tu sais, les gars, dans mon coin, ça parle de bœuf, de maïs, c'est des fermiers. Et quand j'écoute un gars me parler de bœuf, puis qu'il me dit que, bon, un bœuf, ça se vend 3 500 $, que du maïs, c'est 210 $ la tonne, dépendant des années, je n'ai jamais de culture de maïs. Mais je trouve ça intéressant, parce que si jamais je le revois, j'ai un sujet de conversation. Puis ce qui est important, c'est qu'il y ait une sympathie entre les deux, parce que s'il me voit sur le bord du chemin, « Ah, hey, c'est le gars là avec lequel j'ai parlé de maïs, puis il va s'arrêter, puis il va m'aider. » Et puis, si j'étais bête comme mes pieds, puis que je parlais juste de développement, puis de conscience, il ne s'arrêtera pas sur le bon chemin. Bon, il est développé, lui, il a juste appelé les extraterrestres. Mais la connexion, c'est dans la compréhension, ça peut aider au niveau de l'âme, de la reconnaissance de l'âme de l'autre. Moi, je travaille beaucoup avec l'âme, mais je travaille beaucoup. Tandis que les gens vont vivre de l'âme, puis pour eux autres, c'est le seul mode de rapport avec l'environnement. Ah, toi, je t'aime, toi, je t'aime pas. Ben, tu sais, si tu sais que dans la vie, la personne qui t'aime pas va te mordre, puis que c'est plus important d'être chum que de te faire mordre, ben, ça devient dompter les animaux. Puis dompter les animaux, tu apprennes à dompter les animaux. Tous les gens ont de l'animal dans le corps. Tu sais, il y a bien des affaires dans la vie que si on t'avertit, gars, il y a de la glace dehors, c'est glissant, il y a du verglas, t'as avantage à écouter. Donc, c'est important de comprendre. Comprendre que, bon, quand tu conduis dans le verglas, tu ne te rends pas à 120 km. Tout le monde te le dit, faites attention quand vous conduisez, il y a du verglas. Mais comprendre, c'est valable. C'est une expérience d'âme, là, tu sais, prendre le champ, là. Mais ça reste que ça coûte de l'argent. Ça prend des ressources. Tu joues la game pour avoir des rapports astro qui ne t'empêchera pas d'être intelligent. C'est pas je suis intelligent ou je suis astral. Non! C'est un mélange des deux. C'est un mélange de t'es astral puis t'es intelligent. Il faut que vous soyez capable de jouer dans l'âme. Il faut comprendre. C'est bien des affaires à comprendre. Fait, tu comprends, plus d'affaires que tu comprends, plus tu peux jouer des games d'âme. Mais au moins, si tu as le mental clair, puis que ton mental, lui, il sait que, bon, là, il est rendu ici, il faut que tu joues telle game, il faut que tu aies telle façon de t'habiller, telle façon de parler, tel thème de voix. Vous n'êtes pas capable de changer de linge? Vous allez juste condamné à côtoyer un type de monde. Seulement. Seulement. Donc, la double habitation, quand vous êtes capable d'être dans la double, parce que la double, c'est souvent l'esprit qui côtoie l'âme, donc une conscience de ta source qui côtoie l'âme, bien, si ta source te garde ta cohérence dans une expérience d'âme qui peut te demander une versatilité de personnage, elle est belle. Mais si vous êtes fourré à tout le temps être dans l'âme, vous allez avoir une ou deux versions de personnage seulement. Fait que, goody-goody avec les petits bébés puis les vieillards, puis après ça, ben, on s'en va te réveiller. Mais aller dans différents champs, difficile. Ça se comprend-tu? Ben, entre jouer la game puis aller différents champs. Puis jouer la game, c'est jouer avec des personnages. Tu joues avec des personnages. Que tu sois du signe astrologique que tu veux, tu es toujours capable de laisser ton mental, ta source, piloter ton âme. Okay. Vous n'êtes pas votre carte ciel. Okay. Vous avez un plan de vie. Vous n'êtes pas votre carte ciel. Vous avez un plan, une route astrologique. Mais vous n'êtes pas une carte ciel. Ce que vous avez dans vos cartes, c'est la somme des tests de votre vie. Mais c'est pas ça, votre vie. C'est ce que vous avez comme prise de conscience qui vous ôte. Toi, c'est la prise de conscience de la femme que tu vas retenir d'une autre vie. C'est pas ton expérience de poisson sans lambellier. Poisson sans lambellier, ça fait juste exprimer ce qui est potentiel de vivre. Puis ça peut simplement exprimer le type d'âme que tu as. Mais c'était pas ça. T'es ça dans l'âme, mais t'es pas ça. Ton intelligence, c'est pas ça. Parce que dans une autre vie, tu vas être d'autres choses. Tu vas avoir une autre programmation. Ça pour dire quoi? Ça veut dire que de l'âme, c'est pas... Le problème, c'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau de la cohérence que vous pouvez avoir avec votre mental. Fait que si vous pouvez comprendre, c'est déjà une manifestation de votre mental pour permettre à l'âme de survivre. Mais éventuellement, il faut laisser l'esprit mener l'âme. C'est ce que j'appelle être sur le cheval plutôt que d'être en dessous du cheval. Tant que vous êtes dans l'âme seulement, c'est le cheval que vous avez ses épaules, mais vous n'êtes pas encore cavalier. Puis avec l'esprit, ça ne vous empêchera pas d'avoir un cheval, mais vous allez le monter, votre cheval, plutôt que d'être à subir le cheval. Parce que définitivement, avoir un cheval sur ses épaules, ça doit être pesant. Que l'évolution d'un être humain, c'est une évolution vers le mental et non pas vers l'émotionnel. Mais l'émotionnel, c'est un monde astral, puis dans le monde astral, il faut avoir des émotions grandioses. Si vous faites applaudir par 10 000 personnes, c'est enlevant. Mais ça peut vous fracturer. Moi, j'entendais dire que les gens qui avaient accès à du spectacle, puis qui étaient, c'est des gars comme Mick Jagger, puis le kit, ils sont supportés par la foule, mais quand ils n'ont plus la foule, c'est des locumens. La drogue, les pognes, le sexe prédomine dans leur vie. Puis ils cherchent tout le temps à entretenir des charges émotionnelles Or, c'est ça, des gens, c'est potentiellement malades, ils sont drogués, ils sont tout le temps affectés par des déséquilibres épouvantables. Puis là, les médias essayent de mettre ça comme des vedettes, là. Pareil comme si c'était un modèle de vie à vivre. Pas des modèles de vie à vivre, c'est simplement des modes de vie qui ont été capables de contenir beaucoup d'impressions au niveau de l'émotion, puis ça va pas plus loin que ça. Mais c'est pas c'est pas des références de vie, hein. La seule référence que vous devez avoir de la vie, c'est votre vie. Votre vie, c'est une référence. Mais pas pour les autres. Cherchez pas à être des références pour les autres. Cherchez à être la référence pour vous-même de votre vie. Votre vie que vous vous occupez de vous, c'est la seule qui est importante. Mais après ça, qu'on vous fasse croire aussi, puis que, bon, ben, lui, il faut que tu sois comme, puis que tu le quittes. Moi, quand les gens disent, j'aimerais ça être comme toi, comme moi. Qu'est-ce que tu vas être comme moi? La seule chose qui peut être valable comme modèle, c'est que j'ai mon contact, j'ai ma source, j'ai mon esprit qui me pilote. Ben, que tu veuilles ça, écoute, de toute façon, tu vas arriver à ça. C'est pas une idée d'être comme Daniel ou d'être comme Bernard. Moi, je veux pas être comme Bernard. J'ai pas le goût de vivre sa vie, ça m'intéresse pas. Mais d'être sur le contact, c'est une échéance que lui a connue avant moi. Mais moi, quand je le connais, j'ai pas besoin d'être comme lui. J'ai besoin d'être comme moi, je suis capable de vivre mon contact, point final. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'avez pas à être comme moi. Vous avez besoin de simplement être en syntonie avec votre source, point final. Que vous dites, ah ben là, il l'a fait de même. Ça, c'est comprendre. Ça vaut rien, ça. Ça vaut rien. Comprendre ce que je vis. Ce qui est important pour vous autres, c'est de le vivre, pas de le comprendre. Alors, vous ne serez pas sous une forme quelconque de fusion parce que vous prononcez le mot fusion plus souvent qu'un autre ou que vous avez un langage qu'on pourrait qualifier de supramental. La game n'est pas là-dedans, là. La game est dans le qu'est-ce que tu vas vivre, de qu'est-ce que tu agis de l'information. Tu vas dire, as-tu fait des gaffes, toi? Oui, j'en ai fait certains, parce que je me suis assassiné souvent avec ma source. Aujourd'hui, quand je dis aux gens, j'ai plus peur de pas suivre ma source que de suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon exploration, je me suis rebellé au niveau de l'âme à cause que je vivais des états, puis j'étais pas capable de contenir le jeu de l'esprit, puis à cause de ce facteur de rébellion-là, je disais, j'allais écouter mon contact, j'allais écouter... Il y en a qui disent simplement, je me serais écouté. il me semble que j'aurais pas fait ça. Oui, mais tu sais qu'il faut pas que tu fasses ça à cette heure parce que tu l'as fait. Facile de dire à quelqu'un, je voudrais pas être pauvre. Mais quand tu l'as été, tu dis, je voudrais pas être pauvre. Ben là, tu sais pourquoi tu veux pas être pauvre. T'as pas de ressources, t'as pas de moyens, t'as l'erreur. Donne à une femme la chance d'avoir de l'autorité, puis demande-lui si elle veut se marier avec les patins de se faire prendre en charge. Elle va dire, donne-moi du cash, là, ou fais-moi travailler, ou amène-moi s'intéresser, où on peut vivre une forme quelconque d'égalité, et puis là, c'est correct. Mais de me faire jouer à la petite femme, là, non, ça, ça m'intéresse pas. N'importe quelle femme centrique, n'importe quel individu qui a goûté à son autorité mentale n'est pas intéressé à supporter ou à subir aucune autre forme d'autorité, à moins qu'ils disent « Ouais, toi, tu vas faire ça, puis moi, je vais faire ça. Toi, ça, c'est ta job. Toi, c'est ta fonction. Puis moi, ma fonction, c'est ça. » C'est facile d'établir un échange à ce temps-là. Tu peux pas jouer le game, hein? Quand tu es intelligent, tu ne joues jamais de game, mais tu joues des games. Parce que tu joues une game pour l'autre. Mais tu ne joues pas de game avec toi, mais tu joues une game pour l'autre. Moi, je joue des games avec vous autres, mais je ne joue pas de game pour moi. Parce que moi, je comprends ma vie pour moi, mais je ne la comprends pas par rapport à toi. Fait que quelqu'un va me dire, tu as bien trop de chat. Je vais dire, ça, c'est toi, ça. Toi, c'est trop de chat. Toi, tu capotes parce que tu travailles de la porcelaine. Tu fais ci, tu fais ça. Je veux pas vivre ta vie. Tu veux pas vivre ma vie. Ça nous empêche pas de se parler. On va être capable de te faire évoluer pareil. C'est pas parce qu'au niveau de l'âme, on connecte pas, qu'au niveau de l'esprit, on peut pas connecter. Fait que si je me connais puis que je suis capable de me piloter puis je comprends mes vies, puis quitte, c'est difficile de me donner une leçon. C'est eux autres qu'il faut qu'ils disent la leçon est bonne. C'est eux autres qu'il faut qu'ils me disent tu peux l'écouter. C'est pas ton ego que j'écoute, moi, là. C'est le qu'est-ce que ta source te fait faire pour m'envoyer un message. C'est ça que j'écoute quand j'écoute quelqu'un, là. Comprenez-vous? Fait que vous n'aurez jamais sur mon mental autorité, à moins que mon mental vous donne de l'autorité. Wow! On est loin, loin, loin du jeu de la personnalité puis de l'impression que, là. Comprenez-vous le point? Je vous souhaite de vivre ça, parce que vous allez comprendre que votre vie n'est pas manipulée ou manipulable par quoi que ce soit qui est une influence, ne serait-ce que subliminale. Vous ne serez pas pris par le « ça a de l'air de », puis dans le « ça a l'air de », il y a déjà des psychologues qui ont calculé que dans le « ça a l'air de », tu vas acheter telle affaire. Que si tu passes dans une allée, puis que tu vois du taille d'orange, tu vas le payer plus cher que si c'est un emballage jaune. Parce que vous êtes manipulé par les couleurs, vous êtes manipulé par le son, la musique. Ils vous mettent ce qu'on appelait de la musaque dans un IGA ou un métro. C'est toute la musique qui est calculée pour vous faire consommer. J'ai étudié le marketing, moi, quand j'étais jeune. J'ai compris comment qu'on vous fait acheter. J'ai compris à quel point un être humain peut être manipulé. Et si vous n'avez pas de cohérence dans votre mental, ça veut dire que vous êtes... Tout vous contrôle, les politiciens, le ci, le ça. Quand les Milken se sont fait enculer avec un gars qui est milliardaire, qui pense juste à ses intérêts, puis tu vois bien qu'il se fout du monde. Puis lui, tu penses-tu qu'il a travaillé pour les Américains? Non, il a travaillé pour sa poche. Puis le monde se sont fait embarquer, puis il a même embarqué Wall Street. OK. OK, vas-y pour ta question. Quand on est intelligent, on devrait, j'imagine, de composer avec la partie intelligente de n'importe qui. Exact. Mais tu vas trouver que c'est une denrée rare. Parce que moi, je suis très intelligent. Je comprends n'importe qui, mais je les comprends plus qu'ils se comprennent. Fait que quand je leur explique ce qu'ils sont, ils sont pas tout le temps en accord avec ce que je dis. Parce qu'ils sont justement pas intelligents de comprendre ce qu'ils sont. OK? Mettons, tu me parles, puis toi, tu as une manie du détail. OK? Je te dis, donne-moi pas de détails, ça m'intéresse pas. Puis là, tu penses que je te comprends pas. Au contraire, je te comprends tellement que je t'arrête là, parce que, sachant que tu es dans le détail, je peux avoir 15 minutes d'over information que j'ai absolument pas besoin d'entendre. Donc, mon intelligence essaie de bypasser le problème de ton manque d'intelligence. Parce que tu devrais savoir que moi, j'aime pas avoir des détails. J'aime ça à l'essentiel. Mais toi, t'aimes ça, donner du détail. Fait faut pas que mon intelligence s'assujettisse à ton âme. Puis toi, quand tu subis les gens, tu t'assujettis à leur âme parce qu'ils sont pas assez intelligents pour arrêter là où c'est assez. Tu me suis? Donc, être intelligent, c'est dans un sens, dans un monde comme on vit, c'est presque une souffrance garantie. Parce que tu n'es pas dans un environnement intelligent. Tu es avec un environnement qui est animal. Puis un animal, ça te consomme. Mais ça te demande d'être intelligente avec une personne qui est intelligente. Est-ce qu'on comprend ça? Mais tout le monde n'est pas intelligent égal. Question. Être intelligent, c'est faire la gestion des états d'âme. Pour notre planète, oui, c'est ça, essentiellement. Moi, principalement, ce que je fais, c'est de la gestion d'état d'âme. Tu as raison. Mais je parle pas nécessairement avec des gens intelligents. Quand j'étais avec Bernard, j'avais pas besoin de gérer ses états d'âme. Il se contenait tout seul. Fait qu'on avait des conversations intelligentes. Tu le sais, t'as vécu avec lui, tu vois. Mais quand t'es avec une personne intelligente, il y a du dialogue, il y a une discussion, il y a, tu sais, c'est pas du gouzi-gouza tout le temps, là. T'es pas tout le temps en train de rassurer l'autre. Moi, j'avais pas besoin de rassurer Bernard quand on parlait. On parlait d'un sujet. On parlait pour une action sur le sujet. On n'était pas dans un travail constant de thérapie, là. Mais la plupart du temps, quand tu es intelligent, tu es obligé de passer ton temps à sécuriser l'autre dans ses comportements. Comprends-tu? Je dis à Alexine hier, je dis, ta conjonction Neptune-Saturne, es-tu capable de l'interpréter? Neptune-Saturne, conjoint. Conjoint? Oui. OK, conjoint. Saturne, c'est de la restriction, puis Neptune, c'est de l'illusion. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça, comme conséquence? Ben, c'est une illusion qui est concrétisée quelque part. Qui est? Une illusion qui est concrétisée quelque part. Oui, mais est-ce qu'il... Tu vois tout le temps l'obstacle. Ouais. Ben, ça fait des gens dépressifs. Oui, ici, c'est pas conscientisé. Ben, c'est ce qui se passe que c'est un animal. C'est pas quelque chose qui est conscientisé à la nature. Fait que si t'es toujours dans une perception négative de ta personne, puis si t'es en balance, ben là, t'es idéaliste dans les idées. Fait que les idées, c'est ton seul point de fuite. Alors, tu dis ça à quelqu'un, il va dire, ah, je suis de même. Ben oui, c'était de même. Ah oui, rends-toi de ça négatif, le fun. T'es fait. Ben là, s'il faut tout le temps que t'aies quelqu'un dans ta soupe qui est en train de te remonter le moral, ah, va pas bien. Le terme est fataliste. C'est dépressif. T'es dépressif. Ah, ben moi, il n'y a rien qui marche. Bon, ben, t'as des conjonctions comme ça, puis tu prends ça personnel, t'es fait. Mais t'as ça dans ta carte, tu dis, hey, si tu t'intéresses, ça, là, à chaque fois que j'ai une pensée qui me dégrade, je me bats contre cette idée-là, je me bats contre cette pensée-là, tu te bats contre un état. Et là, ta conscience commence à émerger, tu deviens intelligent. Ouh, attention, quand je vois là, moi, là, je me sens tout croche. Puis là, tu te dis, mané, hey, je vais y aller pour voir où je suis rendu dans mon état. Ça, c'est de la conscience. Ça, c'est un combat avec ta programmation. Plutôt que de prendre ta programmation, je suis ça, et là, tu tombes sur du jeu, puis tu rentres dans la perception mentale de qu'est-ce que ta vie est. Et là, tu commences à être capable de faire ton combat. Comprends-tu? Et là, t'es plus un problème pour les autres. T'es plus un problème pour toi-même. T'es un individu qui vit un grand combat. Quand il y a du silence, c'est l'âme qui se manifeste. Ouais. Tu peux vous être plongé dans une réflexion, vous allez dans votre passé. Ah, grand ça, j'ai fait ça. Il y en a qui connaissent un petit peu l'astrologie, puis là, ils sont en train de scanner le quatre cils. C'est vrai, je vis cet état-là. Si je regarde ça comme un test, comme un tarara, parce que vous regardez le côté négatif de vos cartes, le trois quarts du temps. Puis là, c'est vrai, si j'allais traverser ça, ma vie irait mieux, puis papa. Est-ce que le rythme de conscientisation vient du fait que tu sais pertinemment que si tu parles, tu vas accélérer ta prise de conscience? Tu vois, de la prise de conscience, ça accélère. Mm-hmm. Bon, ben, je te dis, gars, on va partir ici de Laval, on va aller à Québec. OK? Tu veux y aller comment? en patin roulette, en ski de fond, en raquette, en auto, en avion. Chaque véhicule représente une prise de conscience différente. Mm. C'est clair que si on décide d'aller là en raquette, c'est parce qu'on déguste la prise de conscience. Ça fait une 6 bois de marche, 250 kilos. Hein? Mm. OK? Mais si on décide d'aller en hélicoptère, c'est qu'on a une grosse prise de conscience. Ça va beaucoup plus vite. Une demi-heure, c'est fini. Mais il y a quand même une perception de temps dépendant du moyen que tu prends pour faire une prise de conscience. Mm-hmm. Fait que plus le test est gros, plus le véhicule est gros. Fait que plus c'est dur, la prise de conscience, plus le véhicule est gros pour se déplacer. Petite prise de conscience, c'est Montréal-Québec en raquette. OK? Ça, c'est une petite prise de conscience qu'on fait régulièrement. C'est une base de 15 ans. T'es pauvre, faut que t'aimes l'argent, tu prends 15 ans pour le comprendre, tu as fait le chemin en raquette. Mais tu l'as fait. Mm-hmm. À un donné, il y a quelqu'un comme moi qui dit, « Hey, si, veux-tu embarquer? Je t'embarque en auto. » Il dit, « Ah, oui, oui, oui, oui. T'as pas besoin de marcher, mais t'es obligé d'intégrer plus vite. » Fait que tu vas faire ta prise de conscience en 2 ans, plutôt qu'en 15 ans, mais tu vas avoir payé le prix d'aller vite. C'est très intense parce que c'est une vibration qui change, là. Comprends-tu? Mm-hmm. Puis là, si tu t'ostines dans le char, fais attention, je te calisse en valise. Puis tu te rends en valise, tu tapes dans les choses. OK, ouais, les raquettes. Mais plus tu es rebelle, plus tu es en raquette. Mm-hmm. C'est plus long. Tu dis images, mais je suis sûr que tu comprends. Mm. Question. Pourquoi qu'on regarde les problèmes, tu disais ça, le monde regarde les problèmes dans leur carte du ciel? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème, ça va plus vite. Alors que souvent, c'est ce que tu dégages du problème, le comment tu passes ton test, parce que pour moi, un problème, c'est un test. Le comment tu passes le test, c'est ça qui te rend intelligent. Moi, c'est les problèmes que les gens m'ont soumis, plus les miens, qui m'ont fait apparaître ma source, l'intelligence, de l'intelligence. J'ai dit, mané, je suis pas capable de régler ça, moi, là. Puis là, hop, les forces me donnaient une information, puis je l'appliquais, puis je disais, ah, non, ça, c'est la solution. Mais je revenais à personne, je disais, écoute, si tu fais ça de même, ça va aller mieux. Mais c'est un problème qui me rend intelligent. Mais c'est un problème dans vos cartes qui va vous rendre intelligent. Comment ça? C'est un carré, Neptune, Saturne, sacrement, t'es dans les illusions par ses oreilles, puis t'as toujours un choc avec la réalité. Mais compose avec la réalité, puis t'auras plus de choc dans tes, entre guillemets, illusions, parce que ton illusion, c'est une réaction à l'obstacle. Puis l'obstacle, ben, c'est pour t'emmener à dégraisser ta perception qui est trop volatile. Tu devrais être capable de comprendre ça, mais si tu ne comprends pas, ils vont te le faire vivre. Comprends-tu? Fait que un problème, c'est un problème, mais si moi, pour moi, un problème, c'est un test, ben OK, on va dealer avec le test. Fait que il y a tout le temps une raison. Donc, il y a toujours une intelligence qui accompagne un événement. Tu as juste à lire les événements, puis la vie est belle. Ah là, non, les gens, ils voient un problème, puis ils s'écrasent. Écoute bien, tu t'écrases. Écrase-toi tant que tu veux. Mais pas ça qui va te faire t'apprécier. Tu vas t'apprécier quand tu vas passer à travers un problème. Pourquoi que des gens pratiquent du sport extrême, puis ils se lancent en affaires, puis te quittent? Ils se créent des problèmes. Ben oui, c'est vrai. Mais tu sais, je regarde mon gars, il s'est mis 500 000 de dépenses en publicité en 2016. J'ai dit, ça a été payé? Il dit oui, ça a été payé. On a passé à la radio, on a passé à la télévision, bon. Tu vois que si tu risques rien, t'as rien. Tu peux faire de l'argent à la bourse, dans le Forex. On s'entend-tu que c'est payant? Mais pour que ce soit payant, tu prends des risques. T'as une bonne préparation. Là, à partir de là, c'est payant. Le monde, ils font du 10% avec la caisse de dépôt, puis ah, on est, c'est bon. Je fais ça dans une semaine. Donc, tu vois bien qu'il y a du monde qui se contente de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Tu ne veux pas avoir de problème. T'as, en fonction de ce que tu passes comme test,